Chapitre 20e. Après avoir écrit ces derniers mots, Gaston Phoebus prit un des pistolets et le chargea avec soin. Pendant qu'il bourrait la charge, on frappa deux coups légers à la porte et il entendit que la portière disait « Oui, madame, c'est ici. » M'expliquerez-vous pourquoi un homme si résolu à mourir et qui ne devait plus, à ce qu'il me semble, s'inquiéter des choses de ce monde, sentit pourtant un peu de curiosité se mêler à son désespoir? Est-ce que l'amour de la vie nous est si naturel que la moindre chose le réveille, même au milieu des plus grands malheurs? Quoi qu'il en soit, Gaston Phoebus cacha ses pistolets sous les feuillets encore épars de son manuscrit, se leva, ouvrit la porte lui-même, et sans y penser, par un mouvement involontaire, se jeta dans les bras de Laure. Car c'était elle-même. J'essaierai vainement de le cacher, ou d'attribuer à Gaston Phoebus plus de stoïcisme et de froideur qu'il n'en avait reçu du ciel. Elle entra lentement, gracieuse et belle comme une divinité, les yeux pleins de joie, s'assit sur le fauteuil que Gaston Phoebus venait de quitter, et pendant qu'à genoux devant elle et la tête cachée dans son sein, il riait et pleurait à la fois. « Ne m'attendais-tu pas ? » dit-elle. « Je t'ai cherché bien longtemps. » Cette simple parole rendit tout à coup à Gaston Phoebus le bonheur, le calme, la confiance. Il n'eut plus aucun soupçon, il se maudit lui-même. Il avait envie de s'arracher le cœur pour se punir d'avoir cru de vaines apparences. Enfin, il était fou de bonheur et de joie, d'où ses rares folies. Cependant, Laure, tout en le regardant et lui souriant, feuilletait d'une main distraite le manuscrit que Gaston Phoebus venait de terminer. Tout à coup, ses yeux furent frappés par la dernière ligne. « Pour toi, Laure, sois maudite, car je t'aime encore. »« Que veut dire ceci ? » demanda-t-elle sévèrement. Et en poussant plus loin ses recherches, elle découvrit le pistolet à demi chargé. La baguette était encore dans le canon. Gaston Phoebus, trop pressé d'ouvrir sa porte, n'avait pas eu le temps de retirer cette baguette. « Comment, malheureux ? » s'écria-t-elle. « Tu allais mourir ? Et moi, que serais-je devenu ? Et ta nièce, la fille d'Henriette ?»« Pardonne, cher bien-aimé, » s'écria Gaston Phoebus. « Pardonne-moi, j'étais fou, j'étais furieux. J'ai cru que tu m'avais trahi, que tu en avais épousé un autre. » Que la fille d'Henriette était ta fille, et que M. de Boréas était ton mari, que j'étais le plus malheureux des hommes, et j'allais, pardonne, chère et divine créature, j'allais mettre fin à mes tourments. Je devrais, dit Laure, ne te pardonner jamais, et t'abandonner à tes soupçons, à ton horrible jalousie. Mais je suis bonne, je te pardonne et je t'aime. Maintenant, écoute-moi. Pourquoi ne m'as-tu jamais écrit? Je t'ai écrit 100 fois. Aucune de tes lettres ne m'est arrivée. Comment cela peut-il se faire? As-tu bien mis l'adresse pour Zurich? Oui. As-tu pris soin d'affranchir d'avance chaque lettre? Ah! Malheureux étourdi que je suis! S'écria Gaston Phoebus. Je n'y ai jamais pensé. C'est de là, dit Laure, que doit venir tout le mal, car la poste des États-Unis ne se charge pas des lettres qui ne sont pas affranchies. De plus, l'Antarctique ayant péri corps et bien, j'ai dû croire que tu avais péri toi-même. Enfin, 3 mois après ton départ, j'ai reçu une lettre d'Henriette qui était arrivée à Paris, faible, épuisée, mourante, et qui venait d'accoucher en pleine mer. Je partis sur le champ pour la rejoindre et prendre soin d'elle et de son enfant. 5 jours après, ta pauvre sœur était morte, me léguant sa fille, que j'appelais Henriette comme sa mère. C'est un petit amour. Tu l'as vue avant-hier. Ne fais pas le mystérieux. C'est elle qui, sans te connaître, m'a fait par hasard tourner les yeux vers toi. Grâce à tes airs de conspirateur féroce et à ta barbe, qui te donne l'air des sauvages de la grande Boucarie, je ne t'ai pas reconnu, mais je t'ai remarqué, et le soin que tu prenais de te cacher m'a donné quelques soupçons de la vérité. Ce soupçon obscur a grandi quand je t'ai aperçu en descendant de voiture. Mais qui pouvait se douter que tu vivais encore, et surtout, qu'en me voyant, tu ne te jetterais pas à mon cou? Quoi que tu puisses faire bien des folies, je ne croyais pas que tu puisses commettre une bêtise ou, pour mieux dire, un crime aussi énorme, me soupçonner. Sois tranquille, je m'en souviendrai plus tard. Ne te roule pas mes pieds pour demander grâce, car c'est un sacrilège que rien ne peut expier. Enfin, toujours poussé par ce vague soupçon, j'ai soulevé le rideau de ma fenêtre et je t'ai vu demander quelque chose à l'épicier. Là, tu étais en pleine lumière et je t'ai parfaitement reconnu. J'ai voulu sonner ma femme de chambre, te faire appeler, t'appeler moi-même de ma fenêtre, mais tu as pris la fuite comme si tu avais deviné ma généreuse intention. Que faire alors? Où te chercher? Une autre en serait restée là, car ce n'était guère la peine de courir après un amant de cette espèce, comme Jean de Nivelle après son chien. Mais moi, qui connais ta candeur, ton effroyable bêtise, ta jalousie digne seulement d'Othello, j'ai couru tout Paris pour te chercher. J'ai appris de M. Aubaret que tu demeurais ici, et à ce qu'il paraît, j'arrive à temps. Mais cependant, dit Gaston Phoebus, avoue que ma jalousie n'était pas sans fondement, car enfin, cet hôtel, cette calèche. Tu veux savoir la fin de l'histoire? Mon ami, la voici. Il y a 2 ans, un notaire de la chaussée d'Antin me fit un jour l'honneur de me prévenir que M. de Boréas, notre ancien ami, que je n'avais pas vu, non plus que toi, depuis notre départ de Rochebaron, venait de mourir d'une chute de cheval et nous léguait à toi et à moi indivise, ou si l'un de nous deux mourait, au survivant, son héritage en terre, prêts, maisons, hôtels et rentes, le tout valant à peu près 2 millions. Il nous priait, disait-il, d'accepter ce legs comme une dernière marque d'amitié et de n'en avoir aucun scrupule car il n'avait frère, cousin, fils ou neveu à qui il put prendre le moindre intérêt. Et quant au clergé, qui avait longtemps compté sur sa générosité, il pensait que les représentants de celui qui est né dans une étable, qui a vécu pauvre et qui est mort sur la croix, étaient beaucoup plus riches que ne le demande la loi divine. Au reste, tu verras son testament qui est écrit dans les termes les plus affectueux pour toi et pour moi. Et maintenant, cher Seigneur, avez-vous encore quelque objection à faire ? Il paraît que le cher Seigneur était fort content, car il suivit l'or sur le champ, n'emportant que ses pistolets et ses manuscrits. Du reste, du mobilier, à vrai dire, un brocanteur n'aurait pas donné 2 francs 25 centimes. 2 jours après, il était marié, 1 an après, il était père, et le mois dernier, en octobre 1865, il s'est fait nommer député de Rochebaron, l'emportant de 3 000 voix sur le candidat du gouvernement. Il est l'auteur de cette célèbre histoire des papes qui a fait tant de bruit l'an dernier et qu'on a traduite en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Ainsi s'achève Mémoire de Gaston Phoebus d'Alfred Assolant.